Chers auditeurs, bonjour. Vincent, micro de RFM, vous allez vivre l'heure la plus sombre. Chers auditeurs, pour cette 34e émission, je me trouve aujourd'hui à Genève, en Suisse, accompagné de l'avocat Pascal Junot. Maître, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat genevois. Vous avez eu l'occasion de plaider à plusieurs reprises à la 17e chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris pour l'affaire, notamment l'affaire Garaudy. Vous êtes également l'avocat du sportif Pascal Mancini et vous êtes président de l'association des amis de Robert Brasillach. En tant qu'avocat pénaliste, vous avez toujours été attaché à la défense de la liberté d'expression. Vous êtes un ami intime de la famille Bardèche. Or, il se trouve que, justement, les éditions Contre-Culture ont réédité dernièrement, en un seul ouvrage, les deux tomes du Nuremberg de Maurice Bardèche. Pour en parler, je me trouve aujourd'hui, chers auditeurs, avec Anne Luquen, responsable éditoriale des éditions Contre-Culture. Anne, bonjour à toi. Bonjour Vincent. Maître, première question. Pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas cette figure de proue des milieux nationalistes, qui est Maurice Bardèche ? Alors, il y a plusieurs façons d'aborder la question. Je pense qu'aujourd'hui, Maurice Bardèche est très peu lu, en tout cas, par les nouvelles générations. Je suis un petit peu une génération intermédiaire qui est sur la fin de la génération Bardèche, qui est déjà tournée vers les générations qui suivent. Maintenant, Bardèche reste quand même un auteur fondamental. Et peut-être en quelques mots, simplement, rappeler qui fut Maurice Bardèche. On dit toujours Maurice Bardèche, oui, le beau-frère de Brasillach. Alors, c'est aussi ça. Pour moi, c'était le contraire. C'est par Maurice Bardèche que j'ai connu Robert Brasillach. J'ai eu l'itinéraire contraire. Cela étant, ce qu'il faut rappeler, et on ne serait pas aujourd'hui là pour parler du Nuremberg, si Robert Brasillach n'était pas condamné en janvier 1945 et fusillé en février de la même année. Parce que Maurice Bardèche, qui se répond et qui s'est toujours déclaré après-guerre comme écrivain fasciste, n'est pas du tout un écrivain militant à la fin de la guerre. D'ailleurs, on écrira avec beaucoup d'humour que Bardèche est le seul écrivain fasciste à être entré en collaboration à partir de 1945. Et c'est vrai, mais Maurice Bardèche n'est pas, pendant l'occupation, un écrivain engagé. C'est d'abord un écrivain littéraire. Et d'ailleurs, à ceux qui lui feront le reproche dans l'entourage de Brasillach de ne pas s'engager plus, ils diront, mais parce que c'était quelqu'un d'extrêmement réaliste, ils diront, mais quand cette guerre sera perdue, que vous serez tous en prison, il faudra bien qu'il y ait encore quelqu'un dehors pour vous défendre. Et donc, c'était une des raisons pour ne pas s'engager plus. La réalité, c'est que Bardèche n'était pas un écrivain militant. Il le deviendra à partir du 6 février 1945, au moment où Brasillach est fusillé. Et là, Maurice Bardèche s'engage complètement et se déclare, il faut lui laisser ça, se revendique cette étiquette d'écrivain fasciste. D'ailleurs, un de ses premiers livres d'après-guerre sera le fameux « Qu'est-ce que le fascisme ?». J'ai lu que Maurice Bardèche était d'abord et avant tout un spécialiste des auteurs du 19e siècle, notamment Balzac. Il a fait sa thèse, me semble-t-il, sur cet auteur, mais aussi Proust, Flaubert également. Bardèche, s'il n'y avait pas eu l'affaire Brasillach, Bardèche, et tout le monde le dit, est un écrivain qui avait certainement l'étoffe d'un académicien. On pouvait très bien voir un Maurice Bardèche vieillissant entrer à l'Académie française. C'est d'abord un auteur littéraire, un spécialiste des auteurs que vous avez cités. Il ne devient écrivain fasciste que par l'assassinat de Brasillach. Et toute sa vie, et il le dira toujours, je suis rentré en politique pour défendre la mémoire de celui qui était son plus grand ami et son beau-frère Brasillach. Sans l'assassinat de Brasillach, il n'y a pas de Bardèche écrivain fasciste. Il y a un Bardèche littéraire qui, encore une fois, et tout le monde le reconnaît par son talent, avait certainement l'étoffe d'un académicien. Quand vous dites écrivain fasciste, ce sont des termes qui sont forts et qui peuvent peut-être surprendre certains de nos auditeurs qui ne sont pas habitués à cette terminologie. Est-ce que vous pouvez préciser, s'il vous plaît, quelle est la pensée de Maurice Bardèche ? Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est un écrivain fasciste ? Alors, moi, je ne le dis pas, c'est lui qui le dit. Il dit « je suis un écrivain fasciste ». Alors, après-guerre, on peut effectivement se poser la question de celui qui se revendique écrivain fasciste. Bardèche, c'est un homme des années 30. Donc, c'est un homme qui devient fasciste au moment où une bonne partie de la génération, des générations de cette époque-là, se réclame du fascisme. Il n'y a que deux grandes révolutions dans les années 30 qui mobilisent les intellectuels en France. C'est le communisme d'un côté et le fascisme de l'autre. Il y a rien d'autre. Toute pensée anticonformiste se dirige soit vers le communisme, soit vers le fascisme. Donc Bardèche se définit comme écrivain fasciste dans le sens historique du terme. Et évidemment, c'est difficile à comprendre aujourd'hui. Un écrivain qu'aujourd'hui dirait « je suis un écrivain fasciste », c'est une espèce de martien, on ne comprendrait pas très bien. Mais Bardèche forme et est un écrivain de formation comme Brasillac. Vous voyez qu'ils vont ensemble, ils écrivent différents ouvrages, ils vont ensemble en Espagne au moment de la guerre d'Espagne. Donc ce sont des écrivains qui ont une sensibilité fasciste. Fasciste des années 30, ça faut bien le comprendre. Et quand Bardèche dit « je suis un écrivain fasciste » qui développe sa thèse, on est au lendemain de la guerre. On n'est pas aujourd'hui dans les années 2000. Il faut se reporter 70 ans en arrière. Et c'est dans ce contexte de l'époque qu'on doit comprendre le Bardèche fasciste, qui aujourd'hui passe très mal parce qu'on n'a plus du tout le recul nécessaire pour comprendre ce qu'est un écrivain fasciste des années 30. Alors très vite, avec Racinier, qui sont donc les premiers révisionnistes français, ils vont avoir une relecture de ce qui s'est passé durant la Seconde Guerre mondiale par rapport au discours officiel. Quelles sont les premières lignes de cette pensée révisionniste qui se dessine très vite ? Alors moi j'ai d'abord envie de dire que en tout cas, Nuremberg 1 n'est pas un livre révisionniste. Il en parle très peu. Il faut pas lire, on est en 1948. Hein. Il l'écrit 1947-1948. On a donc très peu encore de recul par rapport aux événements. Et si vous lisez bien Nuremberg 1, je dirais même que par rapport à ce qui se dira après, c'est anti-révisionniste parce que Bardèche dit « oui, mais je crois ». Quand il parle des exterminations de ceci ou de cela, de toute une série d'événements qui ont fait partie des éléments qui ont formé le corpus révisionniste après, ben on dit non, Bardèche dit oui, il y a même de nombreuses preuves. On est en 1948. Et l'intérêt du Nuremberg 1, c'est pas du tout la question révisionniste, et moi je ne l'ai jamais lu comme un livre révisionniste. Non, ce qu'il met en place, c'est la philosophie qui est derrière le procès de Nuremberg. Et ça, c'est beaucoup plus important que les éléments purement factuels qui seront, alors après, développés par ce qu'on a appelé l'école révisionniste, que lui commence à ébaucher dans le Nuremberg 2, les faux-monnayeurs. Mais il ébauche, parce que là aussi, on est en 1950. Donc, il y a Racinier, mais tous les auteurs qui vont véritablement se plonger, qui seront étiqueté révisionniste, ça vient après. Donc en 1948, et c'est ça qui est intéressant dans le livre de Bardèche, c'est pas du tout l'écrivain révisionniste qu'il n'est pas à ce moment-là, c'est véritablement la philosophie qui ressort du procès de Nuremberg. Et ça, c'est fondamental. Alors s'il vous plaît, expliquez-nous, parce que là on est au cœur du sujet, quelle est cette intuition fondamentale qu'a, dès 1948, Maurice Bardèche concernant la Seconde Guerre mondiale et ce qu'a fait l'Allemagne au cours de cette guerre ? Si je puis dire. Alors, vous parlez d'intuition, ça c'est le mot qui est juste. Par contre, c'est pas tellement sur ce qu'a fait ou ce que n'a pas fait l'Allemagne. Ce qu'il révèle à travers sa pensée, d'autant plus intéressant que c'est un littéraire, c'est pas un juriste. Alors, il n'utilise pas un vocabulaire juridique, il ne tourne pas autour de concepts qui seraient les concepts de juriste ou d'avocat. C'est le littéraire, c'est le lambda au niveau juridique, mais qui dit, voilà, moi je pressens quelque chose. Et Nuremberg, ça n'est pas de dire, voilà ce que les Allemands ont fait ou pas fait. C'est pas du tout le sujet du livre. Le sujet du livre, c'est qu'il se dessine à Nuremberg une philosophie, moi qui ne suis pas juriste, mais qui est complètement nouvelle. C'est l'intrusion dans le droit de quelque chose de nouveau, qu'on appelle la morale universelle. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la religion des droits de l'homme, qu'on voit à toute reprise dans les guerres, etc. Ça va créer ce qu'on va retrouver ces dernières années, le droit d'ingérence. Ce droit d'ingérence, de dire on a le droit, au nom de quoi ? Au nom des droits de l'homme. Et cette religion des droits de l'homme, elle est toute droite issue du procès de Nuremberg, de cette fameuse morale universelle qui va se substituer au droit commun, qui va se substituer au droit international qui a existé jusque-là et qui a défini le droit de la guerre, les conventions, etc., etc. On va presque gommer tout ça à Nuremberg et on va créer cette logique de la morale universelle en créant en plus quelque chose qui est totalement nouveau, c'est la rétroactivité des lois qui est absolument inconcevable. On va accuser une partie des belligérants de crimes qui n'existent pas au moment où ils ont été connus, et qui plus est par des juges qui ne sont évidemment pas neutres du tout, puisqu'on est typiquement dans un jugement des vainqueurs contre les vaincus. Donc on a des juges qui sont à la fois juges et partis, qui ont eux-mêmes commis, c'est ce que dit Maurice Bardèche, il ne dit pas les Allemands n'ont rien fait, les autres ont tout fait, ou l'inverse, il dit non, oui, il y a eu des crimes, il y a eu de nombreux crimes, la Deuxième Guerre mondiale est la guerre la plus meurtrière de toute l'histoire de l'humanité. Mais les crimes ont été commis de façon à peu près équivalente autant par les Allemands que par les Soviétiques, que par les Anglo-Saxons, etc. Et là-dessus, évidemment, on gomme complètement les crimes des ans parce que ces gens-là se font juges à Nuremberg et jugent les vaincus. Et alors, on a connu ça à travers toute l'histoire, depuis la Grèce, évidemment, vae victis, les vainqueurs jugent les vaincus. Mais là, on va beaucoup plus loin. On crée cette fameuse morale universelle au nom de laquelle on juge. Ça n'est plus nous en tant que vainqueurs qui vous jugeons, c'est nous en tant que détenteurs et représentants de la morale universelle. Et là, on voit la naissance de quelque chose que Maurice Bardèche n'appelle pas tel quel à l'époque, mais c'est l'Empire du bien. Les Soviétiques, au fond, moi je le considère, Maurice Bardèche ne le dit pas, mais c'est déjà la naissance de l'Empire du bien. Les Soviétiques sont participants à ce procès de Nuremberg, mais on voit très bien qu'ils vont en être écartés très rapidement, puisque dès le lendemain du procès de Nuremberg, on rentre dans la guerre froide. Et à ce moment-là, le mal devient incarné, plus par les Allemands, puisqu'ils n'existent plus, le national-socialisme est mort, le fascisme n'existe plus, c'est l'Union soviétique qui devient l'Empire du mal. Et donc, les Américains accaparent complètement la morale née de Nuremberg pour dire l'Empire du bien, c'est nous, et c'est nous qui représentons la morale universelle. Et on le voit bien depuis une quinzaine d'années, tous les tribunaux internationaux depuis la Yougoslavie, etc., sont tenus en réalité par les Américains, qui se donnent le droit de juger les autres parce que c'est eux qui financent ces tribunaux, mais qui en même temps excluent totalement que l'on puisse juger des ressortissants américains dans les fameux tribunaux pénaux internationaux. On ne juge que les autres, mais l'Amérique est soustraite, se soustrait elle-même à sa juridiction, qui est un tribunal pénal international, mais qui est en fait une mainmise de l'Empire américain à travers la morale universelle, à travers les droits de l'homme, en disant c'est nous qui pouvons juger le monde parce que nous incarnons l'Empire du bien. Et si Maurice Bardèche ne le dit pas comme ça dans son livre, en réalité il y a ce que vous appelez cette intuition. Et avec le recul de regarder 70 ans après, 70 ans après le procès de Nuremberg, c'est extraordinaire de voir l'intuition de Maurice Bardèche. Il y a des passages entiers qu'on pourrait reprendre aujourd'hui qui sont d'une totale actualité. Et notamment, on le voit avec le problème syrien, le problème de l'invasion, des migrations. Vous avez des passages du livre qui peuvent être lus sans en modifier une virgule. Ah, mais écoutez, moi, je ne suis pas du tout contre la lecture de ces passages. Bah, Anne, d'ailleurs, je crois que tu les as. Oui, par exemple, il y en a un, effectivement. Vous disiez, maître, qu'il ne parle pas de l'Empire du bien, mais il parle bien du mal avec une majuscule. Par exemple, là, donc je cite, « Ils se sont emparés de l'épée de Jéhovah et ils ont chassé l'Allemand des terres humaines. L'écroulement de l'Allemagne ne suffisait pas aux vainqueurs. Les Allemands n'étaient pas seulement des vaincus. Ils n'étaient pas des vaincus ordinaires. C'est le mal, avec une majuscule, qui avait été vaincu en eux. On avait à leur apprendre qu'ils étaient des barbares, qu'ils étaient les barbares. » Et donc c'est bien ça, c'est ce qu'on voit chaque fois que, comme vous disiez par rapport à la Syrie, l'ennemi devient toujours le barbare pour donner la justification morale à celui qui veut aller l'envahir ou ingérer dans ses affaires nationales. C'est bien ça, donc en fait moi c'est ce que je sous-estimais avant la lecture de ce livre, c'est qu'à partir de Nuremberg, on a un véritable virage qui s'opère et la naissance de quelque chose de nouveau qui est cette religion des droits de l'homme, tant utilisée actuellement même hein, par nos dirigeants. Et moi si j'aurais envie d'aller plus en profondeur dans le procès en lui-même, qu'est-ce qui heurte dans ce procès de Nuremberg les principes de l'homme de droit que vous êtes? Par exemple, concernant la charge de la preuve, concernant La rétroactivité des lois dont vous avez un peu parlé, ou le fait qu'on prenne des témoins et qu'on généralise. Je sais que la délégation française a été particulièrement odieuse à ce procès, dans ses méthodes et dans ses réquisitoires. Donc, quels sont ces points particuliers qu'on pourrait mettre en exergue et qui montrent, et là c'est éclatant dans ce livre, que c'était un procès inique, injuste? Alors, ce qui est intéressant, c'est que, encore une fois, Bardèche n'est pas un juriste. Donc, il ébauche un certain nombre de pistes. Il ne donne pas des réponses de juriste. Il dit, voilà, moi je suis un citoyen lambda, mais il y a des choses qui me choquent. On m'a toujours dit qu'une loi ne pouvait pas être rétroactive. Pas de peine sans loi. Or, on vous condamne pour des crimes qui n'existent pas au moment où ils ont été connus, où ils ont été commis. Ça, évidemment, ça choque. Ensuite, il y a évidemment tous les droits de la défense qui sont bafoués au procès de Nuremberg. Le droit d'être entendu, le droit de l'habeas corpus. Maurice Bardèche ne cite jamais l'habeas corpus. Mais voilà, c'est quoi? C'est le droit à un procès équitable. Or, il n'y a rien d'équitable dans le procès de Nuremberg. On juge des gens qui ont souvent l'accès à l'acte d'accusation quelques heures avant leur procès, qui n'ont pas les charges qui pèsent contre eux, qui n'ont pas les éléments du dossier. On leur nomme des avocats d'office qui ont des centaines de cas à défendre en même temps, qui ne peuvent pas matériellement prendre connaissance des dossiers. On imagine aujourd'hui quelqu'un qui aurait, à qui on donnerait une défense pareille, mais tout le monde monterait au créneau pour dire mais c'est inadmissible, aucun droit de la défense n'est respecté, il n'y a pas le droit d'être entendu, il n'y a pas le droit à prendre la connaissance du dossier. En plus, un acte d'accusation doit être précis, et ça c'est la Convention européenne des droits de l'homme. Dans l'habeas corpus, il faut que l'acte d'accusation précise très exactement ce pourquoi vous êtes envoyé devant les tribunaux. Or, les actes d'accusation du procès de Nuremberg sont souvent extrêmement flous, tiennent en quelques lignes, alors qu'on demande quand même la mort des accusés. On demande une condamnation à mort. L'acte d'accusation tient en très peu de choses. Il n'y a pas de factuel. Un autre point, évidemment, qui est très, très, très grave, Bardèche, ne le développe pas parce qu'on est en 48 et puis il n'est pas juriste, je le répète, mais c'est au niveau de la procédure. C'est simplement le problème de la contre-preuve, de l'accès des témoins. On refuse les témoins, on dissuade des témoins d'être entendus. Donc les droits de la défense les plus élémentaires sont totalement bafoué au procès de Nuremberg. Il n'y a pas pratiquement de droit de la défense. Il faut savoir aussi, et ça c'est fondamental, c'est que les preuves déposées, ce qu'on appelle preuves, c'est-à-dire en fait en réalité les documents et les éléments déposés par les alliés, c'est-à-dire en fait par les vainqueurs, qui sont représentés par les juges à Nuremberg, valent preuve. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas discutables. On ne peut pas apporter la preuve contraire au procès de Nuremberg. On va les déposer tels quels. Ça va donner lieu d'ailleurs à un certain nombre de quiproquos. On sait que même les juges français vont se faire rabrouer par les Anglais, par les Américains, tellement ils amènent des choses qu'ils ont dit. Non, même là, c'est vrai qu'on est en train de courber toutes les règles de procédure, toutes les règles du droit usuel, mais même là, c'est tellement énorme que voilà, on ne peut pas donner suite. Et même les Français vont se faire rabrouer au procès. Et puis, la chose la plus extraordinaire, pas oublier que les Soviétiques vont arriver avec des choses hallucinantes. Ils vont mettre sur le dos des Allemands des crimes dont on sait parfaitement que ce sont des crimes soviétiques, à commencer par le fameux crime de Katyn. D'ailleurs, pour revenir sur Bardèche et Brasillach, pas oublier qu'une des principales accusations, parce que qui va être terriblement à charge de Brasillach au moment de son procès en janvier 1945, c'est les communistes. Et un des grands griefs que font les communistes à l'encontre de Brasillach, c'est d'avoir été à Katyn, justement en Pologne, et d'avoir dénoncé les crimes soviétiques. Et ça, les communistes ne pardonneront jamais à Brasillach, et ils décideront d'avoir sa peau. Et donc Brasillach est, au fond, déjà une victime de Nuremberg, d'une certaine façon. Et je crois, pour terminer là-dessus, qu'au fond, on peut dire que Brasillach a été jugé une seconde fois à Nuremberg, et quand Bardèche prend ce recul et cette défense de ce qui s'est passé à Nuremberg, en disant « mais c'est un procès inique », quelque part, il ne le dit jamais, mais moi, ça, c'est un sentiment. Il continue à défendre Brasillach. Maître, je vais me faire l'avocat du camp du bien. Pas du diable. Pas du diable, du bien. Du bien, entre guillemets. Malgré tout, Hitler avait des projets expansionnistes à l'Est, et la France et l'Angleterre étaient obligées d'attaquer l'Allemagne. C'est ce qu'on apprend à l'école. C'est ce que les jeunes apprennent à l'école. Alors, face à ça, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, Bardèche a une réflexion, encore une fois, qui, sans être celle d'un juriste, est extrêmement intéressante, parce que vous dites, moi, j'aurais parfois eu cette réflexion, et lui, qui n'est pas un homme de droit, arrive à faire des réflexions extraordinaires là-dessus. Et il dit, justement, un des actes d'accusation contre les Allemands, c'est d'avoir préparé la guerre. Et il dit, mais à l'époque, tout le monde préparait la guerre, tout le monde la voulait, et peut-être que l'Allemagne la voulait moins que les autres. Il parle des responsabilités polonaises, il parle des tractations, il parle du petit livre jaune, le fameux livre jaune allemand, sur les provocations polonaises, où à un moment donné, les Polonais rentrent en négociation, puis les Anglais leur disent, non, mais nous, il faut aller en guerre. Donc, ne répondez pas aux actes et aux propositions des Allemands, on va plus loin. Il faut une guerre d'agression. Les Anglais ont toujours été très forts pour ça. Il faut une guerre d'agression pour justifier la guerre avec l'Allemagne. Et il démontre très très bien le mécanisme de mise en place de la guerre entre l'Allemagne et la Pologne, qui va déclencher par tout simplement un mécanisme de convention, d'accord et de pacte avec l'Angleterre et autres, qui va créer un phénomène en chaîne et qui va arriver à la Deuxième Guerre mondiale. Et Bardèche dit très bien, cette guerre-là aurait parfaitement pu être évitée. Mais on ne voulait pas l'éviter de l'autre côté. Les Anglais en premier voulaient absolument cette guerre. Et ce qu'ils leur reprochent, c'est de dire on aurait pu avoir une guerre circonscrite finalement au problème de la Pologne et et puis le reste rentrer après dans des accords pour arranger les choses par des voies pacifiques. Or, les autres ne voulaient pas ces voies pacifiques. On voit très bien qu'on pousse l'Allemagne dans la guerre. Et l'erreur de l'Allemagne, dit Bardèche, c'est d'être tombé dans le piège et d'avoir attaqué la Pologne. Ils n'auraient pas dû parce qu'on était en négociation, on aurait pu encore trouver des solutions par la paix, mais on pousse l'Allemagne à la guerre volontairement et c'est ce qu'attendait tout le monde, c'est ce qu'attendait l'Angleterre pour pouvoir déclencher la guerre. La France qui ensuite parle d'invasion de la France et de guerre d'agression, mais il ne faut jamais oublier, les Français l'oublient beaucoup, c'est eux qui déclarent la guerre à l'Allemagne, ce n'est pas le contraire. Et Bardèche, et c'est ça qui est intéressant dans Nuremberg, vous voyez le formidable recul et l'objectivité de Maurice Bardèche. Il n'a jamais de parti pris. Il ne dit pas non, mais les Allemands sont des gens formidables, c'est les autres qui sont des salauds. Il dit non, mais il y a eu de nombreux crimes allemands, et il cite toute une série de choses en disant il y a de nombreuses preuves. Alors on sait que sur un certain nombre de choses, Bardèche sera contredit par ce que vous appeliez tout à l'heure, vous parliez de l'école révisionniste. Il y a des choses qui vont. Mais on est en 48. Et en 48, avec ce que Bardèche a en main, il n'essaye pas de défendre à tout prix l'indéfendable. Il dit non, mais moi, voilà, je constate qu'il y a eu de nombreux crimes, côté allemand, côté allié, etc., etc. Et c'est ça que je disais qu'il n'est pas du tout révisionniste en 48, parce qu'il affirme des choses sur la base des éléments de l'époque. Et je trouve que là, il a un recul qui est tout à fait extraordinaire, une objectivité qu'on trouve peu chez des écrivains qui aborderont cette période de l'histoire après. Et ce qui est intéressant, c'est quand il parle des anglo-saxons, des écrivains, il dit mais énormément de voix s'élèvent en Angleterre et aux États-Unis contre le procès de Nuremberg après-guerre. Et là, alors on se rend compte que Bardèche est complètement trompé. C'est qu'il dit il y a tellement de voix qui s'élèvent contre ce procès que d'ici 2-3 ans, on se rendra compte à quel point ce procès il a été inique et tout le monde le condamnera. Ben, on est 70 ans après et on se rend compte au contraire que c'est tout à fait l'inverse qui s'est produit. C'est que toutes les voix qui, au lendemain de la guerre, disaient ce procès scandaleux, petit à petit ont été étouffées et on est revenu à la victoire de la morale universelle et de cette religion des droits de l'homme qui aujourd'hui, finalement, prédomine dans tous les grands procès internationaux, voire même nationaux, et dans tous les événements politiques. Alors, Bardèche a eu des intuitions extraordinaires et sur le cours de l'histoire, il a en même temps commis des grandes erreurs parce qu'il parle de l'Union soviétique, il parle d'une victoire possible, etc., voire même de la Russie. Et c'est là que je dis, quand je vous dis Bardèche est un écrivain fasciste, est un homme des années 30, on voit très bien après-guerre, et c'est là que ma génération déjà n'est plus en phase avec Maurice Bardèche, c'est que pour Maurice Bardèche, malgré tout, il y a l'Occident d'un côté, et puis il y a le camp soviétique, il y a le danger soviétique. On vit encore dans cette morale et cette idée du danger du bolchevisme. Le danger, c'est le bolchevisme. Puis de l'autre côté, il y a l'Occident. Puis de l'Occident, il y a les Américains. C'est pas très bien ce qu'ils font, c'est pas bien ce qu'ils ont fait à Nuremberg, mais ça reste quand même des héliopotes. Ils vont se reprendre. Il faut absolument qu'on arrive à quelque chose. Bardèche va défendre le parapluie américain sur l'Occident. D'ailleurs, sa revue Défense de l'Occident est quelque chose qui, déjà pour les gens de ma génération, est un peu, il y a une dissonance. Parce que pour nous, on n'est déjà plus l'Occident. Pour nous, c'est les États-Unis. Ça ne peut plus être l'Europe. Bardèche est encore un homme de l'Occident. Il croit encore à un ressaisissement de l'Amérique, de forces qui aux États-Unis vont revenir et dire oui, non, mais il faut maintenant tirer un trait là-dessus, puis s'allier avec l'Europe parce que l'Europe est notre allié naturel. Et là-dessus, il a commis certainement des erreurs. D'ailleurs, Anne, concernant ce danger bolchevique et le sort de la Pologne, tout à l'heure, tu me faisais une réflexion très intéressante. Oui, c'est juste, je disais effectivement qu'on a prétexté qu'à cause des traités, on devait aller sauver la Pologne attaquée par Hitler pour lui. Alors qu'en réalité, dès qu'on a sauvé la Pologne et qu'on a gagné la guerre, on a donné la Pologne à l'Union soviétique. Donc il y a quand même quelque chose d'un peu paradoxal de dire que, voilà, de prétexter une libération pour en réalité donner à quelqu'un qui était même encore plus, peut-être encore pire que ce que voulait Hitler, qui ne voulait finalement qu'un couloir au départ. Et là, on a donné toute la Pologne à l'URSS. Mais c'est ce qu'explique Maurice d'ailleurs, en disant bien, au fond, la Pologne a joué le rôle de la chèvre dans tout ça. Ouais. On l'a sacrifié. Il dit on a sacrifié la Pologne et les Polonais pour des monnaies politiques qui n'avaient rien à voir avec tout ça, mais parce qu'il fallait abattre l'Allemagne. Et là, on n'est pas du tout dans une approche, je dirais, politique des démocraties contre l'Allemagne nationale socialiste. Ce n'est pas du tout une guerre contre le fascisme qu'on mène, c'est une guerre d'empire. C'est-à-dire qu'il y a un empire anglo-saxon qui dit « notre hégémonie est menacée, on doit abattre un concurrent ». mais on n'est pas en train d'abattre l'Allemagne nationale-socialiste parce qu'elle est raciste, parce que ceci, parce que cela. On se rend compte d'ailleurs à tel point que l'Amérique est bien plus raciste envers ses minorités à l'époque que ne l'est l'Allemagne éclésienne. D'abord parce qu'elle en a moins, et puis parce que l'Amérique est confrontée à ce problème-là, et qu'il faudra attendre plus de 20 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale pour que cette Amérique-là qui prétend avoir vaincu le nazisme et le racisme, commence à octroyer des droits civiques à ces minorités de couleur. C'est absolument extraordinaire. Donc on voit bien que ce n'est pas du tout une guerre contre le fascisme. Mais aujourd'hui, quand on parle de la Deuxième Guerre mondiale, on a l'impression que c'est la guerre des démocraties contre le fascisme. Ce n'est pas ça du tout. C'est une guerre d'empire. C'est un affrontement d'empire. Et il y a un empire qui s'effondre, il y a un empire qui gagne, c'est les États-Unis, et uniquement les États-Unis. Quant aux autres empires qui sont l'Angleterre et la France, ben on sait ce qu'ils vont payer de tout ça, c'est qu'eux-mêmes, leurs empires vont s'effondrer. Les Anglais s'en sortent un petit peu mieux pour des raisons de stratégie, mais ils perdent leurs empires. En réalité, c'est trois empires qui s'effondrent, et un empire qui va s'affirmer, c'est l'empire américain, et à terme, même avec l'effondrement du mur et l'effondrement de l'Union soviétique, on sort du système bipolaire pour avoir une véritable domination mondiale des États-Unis. Et ça, Bardèche, au fond, quelque part, entre les lignes, le prévoit très bien. Il y a cette ambiguïté, de temps en temps, il parle de la lutte, que va devenir l'Union soviétique, mais en même temps, dans des réflexions qui sont des réflexions plus politiques et philosophiques, il entrevoit déjà cette possibilité-là dans les hypothèses. C'est très intéressant. Et surtout, il voit quelque chose qui est très prégnant maintenant, c'est la disparition des nations. Leur renoncement à savoir ce qu'elles ont le droit de faire ou pas via cette la morale universelle. Morale universelle, religion des droits de l'homme. Ouais, exactement. Ouais. Alors ça, c'est c'est un des points les plus intéressants dans le développement de ce que dit Bardèche dans le Nuremberg, La Terre Promise. C'est qu'il dit on va effectivement vers la disparition des nations en tant que collectivité et d'identité. On va au fond vers une planète d'individus. Le règne de l'Empire du Bien, c'est le règne de l'individu. C'est une planète sans nation qui sera dominée par cette morale universelle dans laquelle il n'y a plus d'individus. Ce qui est en même temps une erreur terrible parce que les États-Unis, on voit bien, sont un État-nation en réalité extrêmement, extrêmement fort et impérialiste qui affirme son identité d'État-nation pour elle, mais qu'il nie à toutes les autres nations de la Terre. Et c'est au nom de cette morale-là que depuis notamment une vingtaine d'années, l'Amérique fait la guerre sur à peu près tous les fronts de la planète, en envahissant des pays qui ne sont pas en guerre avec, mais au nom de guerres préventives d'une part, et au nom de ces fameuses guerres d'ingérence, accessoirement ingérence humanitaire. Alors là, j'ai un extrait justement du Nuremberg 1. Je vais le lire. Parce que c'est très parlant. Je cite « Cette abdication des nations, nous ne l'apercevons dans toute son étendue qu'en nous souvenant de ce qui a été dit à la première section de l'acte d'accusation. Car on constate que les nations ne renoncent pas seulement au droit de distinguer elles-mêmes ce qui est tolérable et ce qui est intolérable, elles délèguent en réalité le droit de dire ce qui est juste et ce qui est injuste. Il appartient à quelqu'un d'autre de dire non seulement si elles sont lésées, mais si elles vivent conformément à la morale. Elles demandent permission pour tout, pour faire la guerre, pour ne pas faire la guerre, pour être fortes selon telle méthode ou selon telle autre, pour changer de régime, pour voter telle loi ou tel contingentement. Et il n'est pas étonnant qu'on leur fasse maintenant des recommandations sur leur monnaie, sur leur commerce, sur leur budget, sur leur armement, sur leur teneur démocratique. Tout cela était contenu dans l'esprit de Nuremberg, et ce qui serait étonnant, ce serait qu'on ne leur en fasse pas. » Donc là, je crois que c'est clair. Tout est dit, voilà, tout est dit, et on regarde avec le recul, 70 ans après, ben, on peut lire ce passage-là, c'est d'une actualité absolument incroyable. C'est formidable ce que Bardèche écrit en 48, oui, et qu'on le reporte aujourd'hui. Alors autant il s'est trompé, je disais, il y a un Bardèche littéraire dont on ne parle plus du tout. Le vrai Bardèche, qui est le Bardèche de la littérature du 19e, a complètement, pratiquement disparu des bibliothèques. Il y a le Bardèche théoricien, j'ai dit entre guillemets théoricien, mais celui qui s'affirme écrivain fasciste d'après-guerre, que les jeunes générations lisent de moins en moins. Puis il y a le troisième Bardèche, qui est un Bardèche plus militant. Et ça, c'est un Bardèche personnellement qui m'intéresse moins. C'est celui qui a participé après-guerre à des reconstitutions de partis internationaux, nationalistes, etc. Ça n'a jamais bien tourné. Et c'est vrai que moi qui ai côtoyé Maurice Bardèche et qui suis resté très, très proche de la famille aujourd'hui, Maurice parlait peu de ça d'abord, et puis je crois qu'il n'a jamais été convaincu par ces choses-là. On a l'impression qu'il le faisait un petit peu par devoir de mémoire vis-à-vis de Brasillac, mais il était un peu spectateur de ça. Maurice Bardèche, dans une espèce de parti internationaux, il regardait comment ça se passait, mais ça n'a jamais été un théoricien de la politique politicienne. Et ce n'est pas là qu'il a brillé, d'ailleurs. Alors que ses livres de théorie, moi, je me souviens, bon, ma génération à moi, quand elle a 20 ans, on lit Défense de l'Occident, qui est une revue très intéressante, mais qui est déjà quelque part une revue du passé. Par contre, les ouvrages de fond de Maurice Bardèche, je citais tout à l'heure Sparte et les sudistes, sont un livre de chevet de ma génération. C'est un livre qui est fondamental, avec quelques autres. Mais vraiment, le Sparte et les sudistes, oui, c'est un livre, on en parlait avant, qui pourrait être édité aujourd'hui aux côtés du Nuremberg. Oui, qui est complètement oublié. Mais qui est complètement oublié par les jeunes générations, on en parle. Il a été réédité il y a quelques années, mais par une petite maison d'édition. Et il n'a même pas été distribué, parce que ça, c'est l'anecdote. Je crois que l'imprimeur n'a jamais été payé. Il a toujours laissé ça dans ses caves. Il y a dû avoir quelques dizaines d'exemplaires qui en sont sortis. Ce qui est malheureux, parce qu'en plus, c'était bien présenté. C'était un très beau livre. Mais voilà, aujourd'hui, il est question de plus en plus de réédits du Bardèche. Et j'espère qu'on redécouvrira Maurice Bardèche, parce qu'il le mérite pour certains bouquins. Et ce qui est littéraire devrait aussi, je pense, être édité. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une grande maison d'édition aujourd'hui avec laquelle on est en contact pour éditer l'histoire du cinéma. Parce que là, on en parle peu aujourd'hui, mais les gens découvrent véritablement le premier grand livre sur le cinéma, c'est qui est en deux parties. Il y a la première partie, c'est le cinéma muet. Puis après les débuts du cinéma parlant, cette grande histoire du cinéma que Maurice Bardèche écrit, et c'est un chef-d'œuvre avec Robert Bazillac. Eh bien, les gens qui aujourd'hui écrivent encore des biographies du cinéma ne peuvent pas ne pas citer l'histoire du cinéma de Bardèche et Bazillac. Or ça, aujourd'hui, on a l'impression que c'est totalement passé dans l'oubli. Anne ? Non, moi je regardais quelques extraits qui allaient exactement dans le sens de ce que vous disiez tout à l'heure. Son pouvoir de visionnaire, il dit par exemple à un moment, il parle des cités, il dit « Leur pouvoir temporel n'est plus qu'un pouvoir d'administration. Les patries ne sont plus maintenant que les gérantes d'une immense société anonyme. » Alors tout de suite, on pense à Attali, qui nous a dit que la France était un hôtel. C'est vraiment ça. 70 ans avant, il le disait déjà. Et On pense à la rencontre Obama et Merkel ces derniers jours, où Obama vient donner ses ordres à la main, disant voilà ce que vous devez faire dans le cadre de nos accords de libre-échange, parce que finalement le monde est un grand marché et nous sommes les patrons de ce marché, donc voilà comment vous allez exécuter tout ça. Mais le libre-échange, c'est dans un sens, c'est pas dans l'autre. Et là aussi, c'est très parlant et très prophétique de lire le Bardèche, parce qu'on est déjà dans ce monde uniformisé qui est un monde de la marchandise. D'ailleurs, voilà, il dit à un moment, la République universelle est la République des marchands. Et un peu plus loin, là où les souverainetés nationales s'éteignent, la dictature économique mondiale commence à luire. C'est ça. Alors moi, ce livre, je l'ai lu avec beaucoup de, je dirais, de passion, hein, parce que c'est un livre qui est très prenant. Je trouve qu'il a deux aspects. Il y a un aspect qu'on évoque là, c'est-à-dire un aspect visionnaire, un aspect métapolitique, où il voit quels sont les contours du monde qui vient, du monde du XXe siècle et même du XXIe. Et puis il y a un aspect très précis qui m'a beaucoup intéressé sur le procès de Nuremberg. Je vous cache pas que moi, c'est depuis mon enfance un procès qui m'impressionne beaucoup. On voit ces hommes avec ces lunettes de soleil, on a toute cette image là, et on nous en parle beaucoup, hein, tout au long de nos études, hein, à l'école, au collège, au lycée, on en parle. Et effectivement, moi, il y a un aspect que j'avais complètement sous-estimé, qui est un aspect mineur, hein, mais qui m'a marqué dans ce livre, c'est finalement l'abaissement de la France au cours de ce procès La délégation française, il faut bien le dire pour nos auditeurs, Bardèche le dit bien, a été plus vile que les autres. Il le dit bien. Alors je vais citer un passage qui le dit. Mais c'est dans le récit que la délégation française brille le plus. On éprouve une certaine gêne à dire ici toute sa pensée, car celui qui s'interroge sur l'exactitude des faits et la probité des témoins pendant qu'on lui fait le récit de la souffrance des autres s'expose au reproche de manquer de cœur et même d'être inaccessible à la plus simple humanité. Mais il est impossible de ne pas dire que des récits faits par un tiers, d'après des tiers et d'autre part dispersés, présentés nécessairement sans être accompagnés de leurs circonstances, ne constituent en somme que des moyens d'émouvoir, mais ne remplacent en aucun cas une enquête sérieuse, complète, sur le comportement de l'armée allemande en France. Ils ne sont que des faits isolés. En tant que tels, il est possible qu'ils engagent la responsabilité des commandements locaux. Mais on ne peut pas prétendre présenter l'histoire de l'occupation militaire de la France entre 1940 et 1944 au moyen de 12 récits de torture ou de représailles qui se placent tous en 1944 et dans des régions où il y avait un franc-tireur au coin de chaque boqueteau. Sur des sujets pareils, il faut ne rien dire ou il faut tout dire. Un récit partiel est un récit partial. Ici, on nous dira un jour, la France a menti. Alors maître, est-ce que vous pouvez peut-être développer un peu cet aspect de l'intention de cette délégation française qui a voulu faire porter le chapeau aux Allemands, peut-être un chapeau un peu trop grand, puisqu'il prenait des faits précis pour généraliser ça et dire que finalement l'occupation avait été monstrueuse, alors qu'on sait par ailleurs que Jean-Marie Le Pen, je crois, a été condamné pour avoir dit qu'elle n'avait pas été si terrible que ça. Je crois que c'était alors, ça, ces mots. Finalement, quelle est la réalité ? Pas si inhumaine, je crois. Ouais. Alors, moi, je ne suis pas là pour dire la réalité. Je ne suis pas historien. Je garde toujours beaucoup de recul avec les faits. Maintenant, je constate deux choses. D'une part, il ne faut pas oublier que la France est presque là à Nuremberg par accident. Je dis par accident, pourquoi ? Parce que les Anglo-Américains, surtout moins les Russes, mais les Anglo-Américains font tout pour que la France soit écartée. Déjà, si y a la fameuse division Leclerc, c'est parce que De Gaulle les a tellement, excusez-moi le terme, emmerdés, qu'il dit, bon, on va leur faire plaisir, on va leur mettre leur division, qu'ils rentrent dans Paris, qu'ils nous foutent la paix. Mais Churchill est un grand ennemi de De Gaulle, et il aimerait bien que la France, d'ailleurs la France doit insister pour participer aux négociations de la répartition de l'Allemagne. Quand il y a l'occupation de l'Allemagne, elle ne devait pas être divisée en quatre, les zones d'occupation, mais en trois. C'est De Gaulle qui va insister pour avoir sa part du gâteau. Donc on voit que la France est déjà traitée en quantité négligeable avant le procès de Nuremberg. Je crois que c'est une chose. Donc on sent déjà qu'ils sont un peu des vainqueurs de seconde zone. Puis la deuxième chose, alors peut-être pour répondre plus directement à votre question, c'est qu'il y a un grand mythe qui naît à la fin de la guerre. Hein, on connaît très bien le livre d'Amouroux, c'est 40 millions de pétainistes à un moment donné, et tout d'un coup, ces 40 millions de pétainistes deviennent 40 millions de résistants. Et la fin de la guerre et le mythe qui naît en 45 en France, c'est le mythe résistentialiste, qui a deux faces, qui sont au fond des ennemis, mais qui en même temps participent du même mythe, c'est le mythe gaulliste. On était tous derrière De Gaulle, on était tous résistants. Et puis, il y a le Parti communiste, extrêmement puissant à l'époque, qui est le parti de la résistance. Ils se partagent ce mythe. De Gaulle d'un côté, le Parti communiste de l'autre. La France a été occupée, elle a subi l'occupation, et elle s'est libérée toute seule grâce aux résistants et grâce aux gaullistes. Et donc, il faut automatiquement pour ça que les autres aient incarné, on parlait du mal tout à l'heure, mais oui, il faut que l'Allemagne ait incarné le mal à ce moment-là, l'ennemi absolu, pour qu'on puisse dire, mais nous avons, nous, été du côté du bien. Donc, on crée le parti du bien à Nuremberg, la France va s'engouffrer dans cette brèche pour dire, ben oui, nous participions à cette guerre du bien, le mythe gaulliste, le mythe du parti communiste, le mythe de la France résistante. Pour qu'elle existe, il faut que les autres aient été le sommet de l'abomination et du mal. Donc oui, cette image-là doit naître à partir de 1945, parce que sinon, tout ce mythe s'effondre. Si on estime que simplement il y a eu des belligérants qui se sont affrontés, puis que d'un côté il y a eu des vainqueurs et des vaincus, c'est une victoire des armes. Oh, la victoire des armes ne signifie rien, c'est pas une victoire intellectuelle. Or, il fallait que ce soit une victoire intellectuelle, ontologiquement, je dirais, de nature théologique et religieuse, et c'est là que naît le bien sur le mal. On a combattu le mal. On n'a pas simplement combattu des belligérants, on les a vaincus, on a gagné, c'est une victoire des armes. Non, c'est autre chose. C'est une victoire du bien, ça n'est plus simplement une victoire militaire. Et c'est là que la donne est changée par rapport aux guerres qui précèdent. On a essayé de faire un procès à l'Allemagne, on connaît les fameuses images et les clichés à la fin de la Première Guerre mondiale, mais on n'a pas été plus loin. Il y a eu les intentions de juger les responsables allemands en 18. On a dit non, mais attendez, c'est pas possible, on peut pas. Les règles du droit ne le permettent pas. Et on va aller plus loin à Nuremberg, puisque là, on va effectivement créer des règles de droit tout à fait particulières qui vont permettre de juger les vainqueurs, plus seulement en tant que vaincus militairement, mais en tant que vaincu sur un plan idéologique et même spirituel, parce que nous incarnons cet empire du bien. Alors, on pourrait aller très loin. Personnellement, je serais tenté d'aller plus loin, évidemment, que Bardèche, qui lui n'en parle pas, mais cette victoire américaine, c'est ce qui revient également en force dans cet empire du bien, c'est un peu le fond du puritanisme anglo-saxon. Hein, vous avez, vous, chez les catholiques, une approche de du péché, etc., qui, chez les protestants, il ne faut pas l'oublier, nous avons cette notion de la prédestination. Nous gagnons parce que, effectivement, nous étions prédestinés à accéder au paradis. C'est très différent. Et là, on sent bien, quand on critique l'Amérique, on y va là, cette fameuse la guerre de sécession, c'est la victoire de deux philosophies complètement différentes. C'est la philosophie du Nord puritaine, industrielle, capitaliste qui gagne sur le vieux Sud. Et c'est ce qu'on retrouve là à Nuremberg. Il y a un aspect, à mon avis, dans le procès de Nuremberg que Bardèche n'aborde pas du tout. C'est en même temps la victoire de du puritanisme anglo-saxon. Qu'on pourrait relier à la notion de destinée manifeste. Ah oui, ah oui, oui, tout à fait. Ouais. Et est-ce qu'on peut relier tout ça à aussi également la montée en puissance du mouvement sioniste et à la création de l'État d'Israël quelques années après le tribunal de Nuremberg? Quel est le rôle de ce lobby, mais c'est une notion plutôt contemporaine, peut-être de ces forces qui poussent justement à accroître les crimes peut-être allemands dans un but géopolitique au Moyen-Orient? Est-ce que ce sujet n'est pas abordé par Bardèche, donc là on est au-delà. Alors il peut pas l'être à ce moment. On est en 48, on est encore dans cette gestation de l'État d'Israël. Il entrevoit un certain nombre de choses. Comment dire ça? Ce qui est peut-être intéressant justement avec cette naissance de l'État d'Israël, c'est que politiquement au fond, Israël va naître à Nuremberg. C'est-à-dire que les bases, les conditions de naissance de l'État d'Israël vont être Nuremberg. Et ça, c'est ce qu'explique, au fond, parfaitement Garaudy, qui sera en procès il y a 15 ans à la 17e correctionnelle à Paris, puis après en chambre d'appel. C'est les mythes fondateurs de la politique israélienne. Et ces mythes fondateurs, ils prennent naissance dans le procès de Nuremberg. Et Israël tire en bonne partie sa légitimité de toute la construction de Nuremberg. Et c'est pour ça que Bardèche se trompe d'une certaine façon, parce qu'il en parle effectivement très peu, à le lire. Aujourd'hui, on se dit en 48, il dit, ben voilà, il y a tellement de voix qui s'élèvent contre ce procès-là. Dans 3-4 ans, on aura fait grâce et puis on dira, ben voilà, c'était quelque chose d'épouvantable. On va tirer un trait sur ce qui est une erreur, ne serait-ce que sur le plan du droit, parce qu'on bafoue complètement les règles usuelles du droit. Le procès de Nuremberg, on en parlera peut-être plus dans 10 ans. Et en fait, on voit que ce n'est pas le cas du tout. Et qu'aujourd'hui, Nuremberg est plus fort que jamais parce que toute la vision du monde qui s'est créée depuis 1945 repose sur le procès de Nuremberg. Si on devait dire aujourd'hui, mais oui, effectivement, Nuremberg était une aberration, ben on détruit cette morale universelle, cette religion des droits de l'homme qui sert à toutes les guerres d'agression américaines aujourd'hui, et puis au soutien, effectivement, à ce mariage avec l'État d'Israël. Mais ça, c'est une question, Israël est une question qui reste très complexe. On le voit après-guerre dans les milieux de droite, puisque c'est une question qui a toujours divisé. On voit à quel point les écrivains de droite d'après-guerre se divisent en deux camps, entre les pro-sionistes radicaux et les anti-sionistes tout aussi radicaux. On le voit dans des journaux de droite nationale comme Rivarol, on voit bien les anciens écrivains collaborationnistes. Vous avez ceux qui sont dans la ligne du soutien au nationalisme pan-arabe, qui sont anti-sionistes, et puis ceux qui disent non, mais attention, Israël c'est le bastion avancé de l'Occident, on doit être pro-sioniste, complètement pro-sioniste. Jean-Marie Le Pen, que vous avez cité avant, fait partie de ce courant-là après-guerre, qui est pro-sioniste, qui est totalement pro-israélien. C'est une bonne partie de la droite nationale et nationaliste française après-guerre qui, en réaction à la guerre d'Algérie, devient pro-israélienne. Mais cette fracture, vous la retrouvez encore aujourd'hui. Au sein de la droite, hein, la blessure reste ouverte et le camp de la droite, surtout en France, reste extrêmement divisé. Quand on parle de tous les fameux partis populistes en Europe, quels qu'ils soient, eh bien, on voit que tout se passe par une affirmation de l'État sioniste et de la politique sioniste. Il y a une soumission en disant attention, nous, on n'est pas des antisionistes, on n'est surtout pas des antisémites, on est du côté d'Israël. C'est une position qui n'est pas nouvelle. Oui. Et Bardèche, alors effectivement, lui, À ce moment-là, cette question ne se pose pas, elle n'est pas d'actualité. Et par contre, il la développera dans Défense de l'Occident et dans ses textes ultérieurs. Mais elle n'est pas du tout d'actualité au moment de Nuremberg. Il pressent un petit peu le monde qui se dessine, mais Israël n'est pas encore quelque chose de suffisamment concret pour que Bardèche développe cette problématique-là. Anne ? Non, c'est vrai, effectivement, ça prend pas beaucoup de place. Je pensais au fait que le sionisme est vu finalement comme un nationalisme presque modèle, parce que c'est un État qui est très agressé, enfin de leur point de vue, et c'est certainement une des raisons pour laquelle les nationalistes européens voient Israël comme un petit pays qui se défend au milieu d'un grand empire arabe, on va dire. Et voilà, donc c'est une des raisons, mais je pense qu'effectivement Bardèche, lui, c'est pas du tout son souci, quoi. Il ne voit pas ça du tout. Alors il le voit pas, puis il dit peut-être juste à un moment donné, d'ailleurs, il dit, mais moi je conteste pas du tout qu'il y ait eu un plan d'extermination des Juifs, etc. Et on est encore dans cette optique-là, donc il n'y a pas de discussion sur le sujet. Et puis, il fait partie de ces gens qui sont pour la création, déjà, bien avant la fin de la guerre, il fait partie de ces nationalistes et de ces fascistes qui sont pour la création d'un État israélien. Mais c'est alors, aussi la question, pour c'est le que comment les Juifs et où. D'ici partent, parce qu'il y avait aussi alors, cette composante. Alors, il y a ça, mais c'est toute l'ambiguïté. Il faut un foyer national pour permettre aux Juifs d'émigrer dans leur patrie future. Ouais. Il faut casser la diaspora, il faut une patrie juive. Et c'est ce qui va peut-être faire toute l'ambiguïté d'Israël après-guerre. Bien sûr. Et cette scission dans les milieux nationaux. C'est sûr que même beaucoup de vrais antisémites sont sionistes. Ouais. On sait qu'au sein du national-socialisme, des gens comme Heydrich et d'autres sont totalement pro-sionistes et font en sorte d'ailleurs de permettre aux Juifs d'immigrer dans la future Palestine, le futur État d'Israël, contre d'ailleurs contre la volonté des Anglais qui, eux, ne veulent surtout pas se mettre à dos les Arabes parce que c'est une carte géopolitique fondamentale pour eux. On a cette situation qui est complètement aberrante quand on en parle aujourd'hui d'une Allemagne qui pousse les Juifs à aller en Palestine et des Anglais qui les retiennent en disant non, il faut pas une immigration massive des Juifs en Palestine parce que ça va poser un gros problème et on va se mettre les Arabes à dos. Et on veut surtout pas se mettre les Arabes à dos. Après, il y a toute la politique de Laurence d'Arabie, etc., qu'on connaît. Et ça, c'est un autre volet. Mais effectivement, ça, c'est une problématique qui va venir après. Pour revenir sur les volontés de dépeindre l'Allemagne comme l'axe du mal, Bardèche dit au début de son livre que c'est aussi une manière de faire oublier les horreurs des Alliés qui ont bombardé les villes allemandes, après il y a même Hiroshima, mais déjà les villes françaises aussi et allemandes, et que de mettre l'étiquette du mal absolu sur l'Allemagne, ça permet non seulement d'oublier, mais de justifier toutes les exactions. Ça permet de se dédouaner. Voilà. Oui, c'est ce que dit Maurice, effectivement, dans son livre. Voilà. Oui. Il faut que les crimes de la partie adverse des vaincus aient été tellement horribles que les nôtres passent au fond en perte et profit et soient complètement minorisés. Tout est justifié. Alors qu'en réalité, Maurice Bardèche ne dit jamais les crimes allemands, c'était peu de choses par rapport à ce que les autres ont fait. Il dit non, il est très réaliste, très objectif et très honnête sur le sujet en disant la Deuxième Guerre mondiale a été quelque chose de terrible. Ouais. Des crimes terribles comme on n'en a jamais vu, mais partout. Ouais. C'est ça, il dit tout à fait. Ça a été malheureusement justement réparti dans tous les camps. Mais jugeons tout le monde. Voilà, on ne peut pas avoir des juges qui sont le camp des vainqueurs qui jugent les vaincus, et demander à ces mêmes juges d'être objectifs et de mettre tout le monde sur une même échelle. Et ça rend déjà le procès totalement impossible, parce que ça viole déjà un principe essentiel, c'est celui de la neutralité des juges. Ouais. Le juge ne peut pas être neutre, c'est le vainqueur qui juge le vaincu. Or, ce qu'il reproche évidemment au tribunal de Nuremberg, c'est son absence de neutralité. Et en même temps, l'impossibilité de créer une véritable instance nationale, parce que internationale, qui devrait être complètement neutre et libre au fond de tous les partis. On voit bien, et on l'a vu ces 15-20 dernières années avec les tribunaux pénaux internationaux, on sait que le plus grand financier de ces tribunaux, ce sont les États-Unis, et que les États-Unis excluent absolument que leurs ressortissants, même s'ils ont commis des crimes pendant ces guerres, puissent être jugés par ces tribunaux-là. Donc on voit bien, on est dans la morale de Nuremberg. Nous sommes l'empire du bien. Si des gens de chez nous ont commis des erreurs, ils seront jugés chez nous selon les lois américaines. Mais il est hors de question qu'ils soient soumis aux juridictions internationales. Et on n'a jamais vu un seul ressortissant commandant général américain jugé par les tribunaux pénaux internationaux. Ça n'existe pas. Et là, on est, encore une fois, totalement dans le fil rouge du procès de Nuremberg, qui a été critiqué aussi par des militaires, parce que faut pas oublier une chose, un des grands reproches qu'on fait, on va dire, oui, attendez, à la base, qu'est-ce qu'on va reprocher aux Allemands ? Oui, mais la plupart d'entre eux, c'était pas des dirigeants, c'est des soldats, c'est des officiers, ils ont obéi aux ordres. Ah ben non, non, non, et c'est là qu'on crée une récompense, non, vous auriez dû désobéir aux ordres. Ça veut dire que les subordonnés devaient se dire à un moment donné, ah non, non, mais là, et on est dans une utopie complète en temps de guerre. Ah non, là, on devait se dire, attention, cet ordre-là, il est illégal. Qu'est-ce que l'illégalité en temps de guerre quand on donne un ordre ? Quand on donne l'ordre à des bombardiers américains, à des commandants de bombardiers américains, de bombarder des villes allemandes qui sont des villes purement civiles. Si on rentre dans la logique de Nuremberg, alors les commandants de ces forteresses volantes auraient dû refuser l'ordre, parce que les manœuvres sont là, on est en train de déclencher un crime qui n'existe pas encore, hein, mais on doit déjà anticiper, puis là on est en train de provoquer de se rendre coupable d'un crime contre l'humanité. On ne peut pas bombarder les villes allemandes. Ces gens-là auraient dû être jugés à Nuremberg. Ils auraient dû désobéir aux ordres. Or non, mais nous on obéissait aux ordres. Et là, on voit bien qu'après-guerre, et Maurice Bardet l'explique, il dit, mais tout de suite là, cette aberration du procès, elle est venue aux militaires. Il dit, mais attendez, si vous introduisez une sorte de libre arbitre, ça veut dire que demain, à tout moment, un officier pourra dire, ah non, non, là j'obéis pas, parce que cet ordre, je le considère comme illégal. Mais qui va considérer en temps de guerre qu'un ordre est illégal ou pas ? Ah, mais parce qu'au nom de la morale universelle, parce que là, vous êtes en train de violer la morale universelle. Et les Américains se sont très bien rendus compte, les militaires, le piège du procès de Nuremberg à ce niveau-là. Et on voit bien, prenons Guantanamo aujourd'hui, ces citoyens, ces gens qui sont en Guantanamo ne sont plus des citoyens. Ce sont des gens qui sont complètement hors la loi. On a dit, attention, comme les Allemands après-guerre, ce ne sont pas des soldats que l'on juge, ce sont des criminels de droit comme des criminels de droit commun. Eh bien, Guantanamo, c'est exactement ça. Ce ne sont pas des gens qui étaient chez eux, qui ont résisté à une invasion par les troupes américaines. Eux, ils incarnaient le bien, ils venaient combattre le terrorisme. Les combattants qui sont chez eux en avion ne sont pas des combattants afghans, ce sont des terroristes. Par conséquent, on ne les met pas au bénéfice du droit de la guerre et des conventions sur les conventions internationales de la guerre, qui ressortent de la guerre. Donc, on peut les enfermer dans les camps, les traiter comme on veut. Et quand Bardèche parle des tortures, etc., qui sont le prémisse au procès de Nuremberg pour obtenir des aveux, c'est exactement ce que 70 ans ont fait, font les Américains vis-à-vis des prisonniers de Guantanamo. Ça n'a pas changé dans Iota. On vit encore dans le procès de Nuremberg. Tout à fait, c'est ce qu'il montre très bien. Quand il dit qu'il faut que le sous-fifre aurait dû désobéir, ça montre qu'effectivement, cette conscience, il aurait dû l'avoir. C'est-à-dire que le sous-fifre à qui on dit qu'il faut lancer une bombe sur Hiroshima, lui, au nom de la conscience universelle, il sait qu'il doit obéir. Que le sous-fifre allemand, il aurait dû savoir qu'il aurait dû désobéir. Et ce qu'il, en réalité, le plaçait devant un choix qui était soit je désobéis et je risque de me faire fusiller par mes supérieurs, soit j'obéis et je suis, bien sûr le soldat allemand ne le savait pas à ce moment-là, mais enfin pour les guerres futures, il se dit alors après je serai peut-être jugé par la conscience universelle qui elle va me fusiller. Donc de toute façon, je vais finir fusillé quoi. Alors maître, un autre aspect, dépassons le procès de Nuremberg et dites-moi, quelles ont été les conséquences de l'écriture de ce livre pour Maurice Bardèche ? Ça c'est une question qui est très difficile. Je dirais seulement ceci, vous voyez très bien ce que dit Bardèche à un moment donné, il a une vision qui se révélera fausse parce que, au fond, c'est un message d'espoir où il dit, mais voilà, c'est terrible Nuremberg, c'est un procès qui a bafoué plein de règles, mais on est déjà en train de se rendre compte aujourd'hui en 48 que c'est un procès qui ne peut pas tenir sur le plan du droit. La conscience universelle, ça ne va pas tenir. Dans quelques années, on aura fait grâce de ce procès. On voit bien que ce n'est pas le cas. Et moi, je vois Maurice Bardèche, quoi. J'ai une vingtaine d'années. La première fois, je lui donne mon livre à dédicacer. Et je me souviens toujours de cette dédicace. Il me dit à Pascal Junot, une hirondelle qui n'a pas vu beaucoup de printemps. C'est intéressant parce que on voit bien au moment, c'est fin des années 70, hein, des années 70. Donc Bardèche, à ce moment-là, est redevenu le Bardèche réaliste qui dit, ben moi j'ai cru en 48 que mon livre n'allait rien changer forcément, mais que autour de moi, moi je ne suis qu'une goutte d'eau, mais que plein de gens autour de moi s'insurgeaient contre ceci et que finalement on allait revenir à une forme de de normalité du droit de la guerre, etc., à quelques conventions supplémentaires, parce que, et il le dit, hein, encore une fois, la Deuxième Guerre mondiale était tellement horrible, avec tellement de crimes, tellement de morts, que quelque part, ça a suscité de nouvelles conventions internationales sur le droit de la guerre et tout. Et ça, c'est la bonne chose. Mais lui arrive à tirer quelque chose de positif du procès de Nuremberg. Moi, je ne suis pas persuadé que ce soit dû au procès de Nuremberg. C'est le fait de la guerre qui, effectivement, a engendré de nouvelles conventions qui auraient, à mon avis, existé sans le procès de Nuremberg. Lui, il les met un petit peu au bénéfice du procès de Nuremberg. Je ne suis pas sûr. Cela étant, c'est vrai que 20 ans plus tard, il est d'un total réalisme en disant « mais on s'enfonce dans le procès de Nuremberg. On n'en est pas sorti comme je le pensais. On est en train de s'y enfoncer de plus en plus. » Et on regarde 70 ans après, bah effectivement, on vit en plein procès de Nuremberg qu'on ne cite jamais. Mais la morale de Nuremberg, elle est dans toutes les guerres modernes. Mais maintenant, on a peu parlé avec Maurice Bardèche de ce genre de choses, mais il était quelque part réaliste. C'était un peu une partie de son passé dont il ne parlait pas. Voilà, une partie de Maurice Bardèche est mort en février 1945 avec Brasillach. Et sa vie, il a sacrifié. Parce qu'il faut lire hein, Suzanne Eltaudy, par exemple, les conditions dans lesquelles vit la famille Bardèche après-guerre. On leur enlève leur appartement, ils sont traités plus bas que terre, privés de droits civiques, etc. Il va même être condamné, alors qu'il n'a rien fait pendant la guerre. Mais c'est le beau-frère d'eux. On le condamne par procuration. C'est ouais. Le livre qui fait procès. C'est intéressant parce qu'au fond, c'est un livre qui n'est pas révisionniste. On lui fait un procès, puis on le condamne. Alors que le deuxième Nuremberg, qui est un petit peu plus révisionniste, parce qu'il prend tout un tas de témoignages de documents, quelque part, il replace déjà, il y a déjà une contestation d'un certain nombre de choses, mais qu'il n'est pas le premier à dire, et qu'il n'est surtout pas le seul. C'est ça que je dis, même le deuxième, est-ce que c'est un ouvrage, on est déjà dans la logique révisionniste? Je ne suis pas sûr à 100%. Mais en tous les cas, il y a déjà une mise en place, où il dit, attention, là, en deux ans, il y a déjà plein de choses qui sont apparues, et il pose des questions. C'est pas des affirmations dans le livre de Bardèche, jamais. C'est quelqu'un qui est. C'est un intellectuel. Moi, je le vois jamais comme un militant. J'ai jamais connu comme un écrivain militant. C'est un intellectuel qui prend beaucoup de recul et qui dit voilà les témoignages des uns, voilà les témoignages des autres. Tout est encore à écrire. Les historiens vont faire leur travail. Il y a une espèce de naïveté en même temps chez Maurice Bardèche. Jusqu'à quel point on pourrait pas imaginer que c'est justement la création d'Israël et la puissance qu'a eu ce qu'on appelle les lobbies juifs qui ont peut-être justement empêché ce réveil d'après Nuremberg qui aurait on le voit avec la loi Guesso finalement qui interdit de remettre en cause ces conclusions. Est-ce qu'on peut imaginer que s'il n'y avait pas eu la création d'Israël les choses auraient changé et cet esprit Nuremberg aurait fini par C'est un peu la thèse de Garaudy, avec les mythes fondateurs. Nuremberg, juste. C'est le mythe fondateur de l'État d'Israël. D'ailleurs, le mythe, il y a toute une série de choses. D'où la sacralisation de cette... sacralisation qui fait qu'au fond, tout révisionnisme est banni aujourd'hui par des lois qui interdisent de remettre en cause le procès même de Nuremberg. La loi française est la seule, d'ailleurs, qui interdit de remettre en cause les conclusions. Ce qui est quand même extraordinaire parce que il faut se rappeler que même un fait notoire peut être revu par un juge, parce que même un fait notoire n'est pas forcément irréfragable. On peut revenir en disant, oui, ça a été, tel point a été notoire jusqu'à maintenant. Mais voilà, on a découvert ceci ou cela. On voit bien les recherches anthropologiques hein, sur l'origine de l'homme. Tous les jours, on dit, ah, il est notoire que le foyer originel de l'homme, c'est ça. Puis 3 ans après, on dit, ah mais non, on a fait une découverte au fin fond des steppes qui nous dit qu'en réalité maintenant, les dernières découvertes archéologiques replacent ailleurs le foyer de l'humanité. Donc, même une vérité universelle ou notoire peut être modifiée avec le temps. Or là, on a une vérité qui est intangible. Et sur le plan du droit, alors en tant que juriste, ce qui est choquant, c'est qu'un juge a toujours une prérogative qui pour moi est essentielle, c'est la maîtrise du fait. C'est-à-dire qu'un juge doit toujours être libre de dire le fait, ça veut dire d'instruire le fait pour que même un fait notoire puisse être revisité par des témoignages, par des écrits, en disant oui, ça c'est vrai, c'était notoire à telle époque. Ça ne l'est plus aujourd'hui. Nous, juges du siège, nous pouvons revoir les faits parce que c'est notre prérogative essentielle. Or, à travers cette loi Guesso, on enlève au juge la maîtrise du fait. Il ne peut plus dire le fait parce que ce fait devient figé. Donc comment peut-il dire le droit, puisque le droit est une application de ce qui a été constaté. On va dire, voilà, en fonction de ce qui a été constaté, on va dire le droit. Mais on ne peut plus dire le droit, puisqu'on empêche de revoir le fait, que le fait est figé. Et ce qu'on a vu d'ailleurs avec les massacres de Katyn. Mais on l'a vu avec les massacres de Katyn. C'est, voilà, c'est une, effectivement. Donc, en théorie, même si on sait que les anglo-saxons ont essayé d'escamoter un peu le problème de Cathy. On pourrait imaginer qu'aujourd'hui, Cathy est l'exemple le plus frappant, mais il y a d'autres choses pour lesquelles les Allemands ont été condamnés, que Urjulis ne sont plus aussi notoires qu'en 45. Mais en théorie, si aujourd'hui je dis « non mais attendez, ceci ne s'est pas passé comme ça ben », en France, je serais condamnable. Alors qu'en fait, c'est une vérité historique. Ce qui veut dire que la vérité de la loi Guesso s'impose à la vérité historique. Et ça, c'est une véritable aberration pour le juriste. Et voilà. Mais effectivement, beaucoup d'écrivains, alors pas des révisionnistes, des écrivains tout à fait, on va dire, officiels, de l'historiographie officielle, ont, à travers leurs écrits, mis à mal des éléments du procès de Nuremberg. Mais personne ne les a attaqués. Parce que ça ne remet pas en cause le noyau. Et puis parce qu'on ne veut pas non plus faire éclater un certain nombre de choses. Mais d'ailleurs, on a toujours dit, l'historien, par nature, est révisionniste. Alors c'est pour ça qu'on a inventé, après la loi Guesso, justement cette fameuse notion de dire, ah oui, c'est vrai, tous les écrivains sont révisionnistes, parce que sinon, il n'y aurait pas besoin d'historiens si on ne révisait pas l'histoire en permanence. Mais les autres, c'est différent, ce n'est pas des révisionnistes, c'est des négationnistes. On a créé un nouveau concept. Mais là, on part dans un tout autre sujet. Bien sûr. Oui, puisque comme vous disiez au début, ce n'est pas un livre révisionniste. Voilà. C'est pas... Mais le procès Garaudy a été un procès à ce niveau-là, qui était, pour moi, qui était extrêmement instructif. J'ai beaucoup appris. Et puis, j'ai débarqué dans un monde qui était un peu inconnu. Et pas du tout le genre de procès que nous avons l'habitude de mener ici, en Suisse en général et à Genève en particulier. On est dans une autre... on se rend compte qu'on est dans un autre monde. Alors ça tient aussi à des systèmes judiciaires complètement différents. On en a parlé une fois, c'est qu'évidemment en France, il y a une sorte de rupture, il y a deux mondes qui se côtoient sans se fréquenter, qui est le monde des juges d'un côté, puis le des magistrats, puis le monde des avocats de l'autre. C'est deux écoles, c'est deux formations complètement différentes. Cette barrière n'existe pas chez nous. Mais en France, il y a une magistrature qui est soumise à un parquet très puissant, à des pouvoirs politiques, ce qui n'est pas le cas en Suisse. Je pense que le juge en Suisse a beaucoup plus de liberté dans sa conscience et dans son pouvoir de juger, parce qu'il n'est pas soumis à une autorité qui lui dise « attention, là, vous franchissez une ligne rouge ». En France, ce n'est pas possible. Le juge qui va, dans certains cas, rendre un jugement juridiquement incorrect... c'est sa carrière qui est brisée, parce que vous avez un système qui est très jacobin, qui est très centralisateur. Un juge, ben on peut demain l'envoyer au fin fond de la Corse dans un petit tribunal d'industrie où il va finir sa carrière. Nous on a d'abord un système fédéraliste, donc le juge ça reste un juge local. En fin de carrière, ben celui qui a vraiment envie et qui en a les compétences et le vouloir pour finir au tribunal fédéral. Mais sinon, un juge fait sa carrière dans les tribunaux cantonaux. Et il n'y a pas cette espèce de super pouvoir, cette espèce d'ingérence morale qui dit « attention, tu dois juger comme ça ». Et ça change énormément, je trouve, avec le système français. Alors, c'est à la fois l'avocat qui parle, et puis il m'est arrivé également de siéger, mais je trouve qu'on a une liberté dans nos jugements que la France ne connaît plus. Maître Juniau, merci beaucoup. J'espère que nous n'aurons pas à faire appel à vos services pour la diffusion de cette émission sur le site d'Égalité et Réconciliation. Je ne sais pas, vous pensez qu'on a été hors la loi, qu'on a franchi les limites de la loi Guesso ou pas? Je crois qu'on est resté tout à fait correct. D'autant plus que, encore une fois, moi je vous le dis parce que je le pense et que c'est le livre de Bardèche. Moi je ne suis pas venu ici pour défendre un livre en vous disant voilà, c'est le premier livre révisionniste. Ce n'est pas un livre révisionniste. Parce que d'abord, ça serait anachronique de le dire en 48. C'est une école historique qui vient après. Alors Bardèche, il y aura un rôle, mais pas un rôle important. Non, c'est un livre qui, pour moi, est important. Pas à cause de ça. Il est important pour cette intuition dont vous parliez, fondamentale sur la morale qui naît à Nuremberg. Le factuel canonique, pour moi, au fond, le Nuremberg 2 est intéressant, mais factuellement, il est dépassé. Et puis c'est des témoignages de l'époque. On a écrit 1000 choses après le Nuremberg 2 sur le sujet, ce qui rend le livre un peu obsolète. Et en revanche, le premier, c'est tout ce qui n'est pas historique, c'est vraiment l'intuition à la fois philosophique, morale, religieuse sur le procès de Nuremberg. Et là, on n'est pas dans du débat historique, on est véritablement sur quelque chose de quasi-religieux. Donc non, pour moi, je pense que l'émission n'est pas du tout sortie du cadre qui était le sien. Non, je trouve que lire Nuremberg, effectivement, le premier tome qui est le plus important, qui d'ailleurs, je crois, au moment où il l'a écrit, il ne pensait pas écrire un second tome. Il l'a fait par réaction, le deuxième, pour amener justement des citations, des témoignages, etc. Mais le premier, en réalité, explique le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Je crois que c'est vraiment ça, l'idée fondamentale de l'intérêt de lire ce livre, c'est vraiment de comprendre d'où vient cette espèce de super État, on va dire, qui n'en est pas un, mais qui dicte les lois, qui est les droits de l'homme, qui est ce qu'il appelle la morale ou la conscience universelle, dans lequel on baigne, mais alors jusqu'au cou, quoi, aujourd'hui. L'initiative de Contre-Culture d'avoir eu l'idée de rééditer, parce que autant certains ouvrages vieillissent mal, et on se dit aujourd'hui, bon, ils ont un intérêt un peu historique, anecdotique, autant relire le Nuremberg aujourd'hui est extrêmement important et formateur. Ah oui, Lorsqu'on regarde, on se tourne et on regarde les 70 ans qu'il y a derrière nous depuis le Nuremberg de Bardèche. Et c'est plein d'intuitions, c'est plein d'une vision extrêmement réaliste, pour pas dire parfois prophétique, du monde dans lequel on s'enfonce après-guerre. Alors il est, encore une fois, je le répète, quelque part, il y a la naïveté de Maurice Bardèche, c'est que moi je l'ai connu, de se dire « Ah, ben, demain ça ira beaucoup mieux ». En fait, il a fait des prophéties et en même temps, il a la naïveté de penser qu'il se trompait dans ses propres prophéties. C'est un peu ça. ouais, c'est un peu ça. Mais moi, j'ai vécu des colères blanches de Maurice Bardèche. J'avais tout d'un coup l'imprudence d'émettre quelque chose. Maurice qui s'est mis à hurler, ça durait très peu de temps. Hein. Des QLR qui duraient quelques minutes, puis Suzanne Bardèche venait me taper sur l'épaule, me dire « Non, non, mais laissez-le parler dans 5 minutes, il sera calmé. » C'était comme ça. Mais voilà, là, on pourrait parler des heures de Maurice Bardèche, parce que c'était un personnage extraordinaire. Nuremberg ou la Terre Promise, Nuremberg 2 ou les Faux Monnayeurs, deux tomes réunis en un seul ouvrage, et bel ouvrage, Nuremberg, Maurice Bardèche. Chers auditeurs, nous allons conclure cette émission en musique. Alors Anne, merci beaucoup de m'avoir accompagnée dans cette émission. Anne Luquen. Merci à toi Vincent. Et Maître, j'espère que nous nous retrouverons dans d'autres émissions sur ERFM. Merci beaucoup. Merci à vous. Chers auditeurs, nous allons conclure cette émission en musique sur les notes de Shaman Joe. C'est un tout nouvel artiste dont l'album Et Après est disponible sur le site contreculture.com. Nous allons écouter le titre Victoire. Bonne écoute à tous et à la semaine prochaine. Ils ont vaincu la misère que ce monde leur offrait. Ils ont planté leurs prières sur des monts abandonnés. Mais de bon, rien ne se perd. Les étrangers qui passaient, en voyant tous ces petits pères sur les monts, ils ont grimpé. Ils ont vaincu leur tristesse de ne pouvoir vivre bien. Et leurs femmes en souplesse les ont portés de leurs mains. Ils ont vaincu leur sale doute, n'étant reconnus par personne, alors qu'ils construisaient la route avec leurs idées qui résonnent. Ils ont vaincu leur mémoire qui les faisait chialer dans le noir, parce que dans la prunelle des yeux de leur amour, ils voyaient Dieu. Ils ont gagné cette victoire face à ce monde irraisonnable. Merci mesdames pour vos espoirs, les hommes sont devenus aimables. Papa petit tapé bébé, va po bo bo, va bo bébé bébé. Va de pé, ma ta bo bon, ma ta bo ta ba ba bé, ma ta pi ba bon, ma ta bo ta bo bé, ma ta ti ba bon, ma ta bo bé bo bon, ma ma ta bo bon bon. Et même si rien ne le présage, je vous le dis du fond du cœur, le monde est sauvé par les anges. C'est toi, c'est moi, n'ayons plus peur. Les héros sont devenus héros, masculin, féminin, ce mot. On s'est battu contre la haine, on ne veut plus vivre dans la peine. Car si on veut, on peut jouir, messieurs, la vraie, d'être rien, d'être tout. Puisque les valeurs du finir sont désormais au fond du trou, elles ont vaincu tous les pièges que leur tendaient les escrocs. Elles ont à nouveau aimé l'homme enfin pour ce qu'il est. Papa titi tita pouta boupé, papa tita papa et papa papa boupé. Papa titi papé, papa papa papé, papa titi papé, papa papa papé. Yeah.